J'arrivais plus à penser, tu hantes mes nuits. J'arrive même plus à rêver. C'est pas si facile, mais je dois l'avouer. Un peu comme un enfant, ma vie tu l'as chamboulée. On se tourne autour, dis-moi encore pour combien de temps. Je sais que t'as l'habitude, qu'on vienne à toi, là tu peux attendre. Pourquoi tu veux résister, pourrais-tu me l'expliquer? Laisse parler ton cœur qui a des choses à me dire. J'adorais aimer savoir ce que tu ressens, prendre ta main sans perdre de temps. Ce sentiment est si différent. Oulala, là là, j'en ai aucune idée, mon cœur veut pas se décider. Oulala, là là, t'en as aucune idée, ton cœur veut pas se décider. D'une seule nuit, ce que je veux c'est toi. Pourquoi tu veux résister? Moi je peux te l'expliquer. Mon cœur a des choses à te dire, dis-moi est-ce que t'entends? Aimer savoir ce que tu ressens, prendre ta main sans perdre de temps. Ce sentiment est si différent.